Quand je suis obligé de quand je suis obligé de rencontrer quelqu'un, je peux pas perdre de temps avec la loi d'impression. Je me sers du pouvoir de la connaissance. Ben, je paye un petit chèque, je sais pas, oui, d'ailleurs, je peux te donner l'exemple d'un événement qui est arrivé à Vancouver. Le président de Vancouver, le Canada, était là l'instant. J'étais à la date, j'ai parlé de sa belle-mère, j'ai parlé de toutes ses parents. Je suis content. Ben, comme ça, ça encore la loi d'impression, c'est net, encore plus haut. C'est ça qui fait les mecs, moi, l'impression. Exactement. Une fois que tu en es établi, tu t'es abri. Ouais. Quand tu sais comment tu fais tes deux. Oui. Quand tu crées une pomme, tu dois être capable de la briser. Si tu la crées, tu n'es pas capable de la briser, tu vas la briser. Ouais. Exactement le cas. Ouais. Tu vas voir. Puis les scouts de frères l'ont fait le bout de la même chose. Ils sont tous si dépendants d'un bout à l'autre, puis ça révolte. Exactement. Un homme libre est capable de créer une forme et de la briser. Il est libre. Il est libre. Mais c'est dur à comprendre ça psychologiquement. Parce que psychologiquement, on interprète toujours le rôle de la femme en relation avec l'émotivité qu'elle dégage. Exemple, tu vas au musée, tu vois une galante. Si je dis, ils n'ont pas de marque, je crée une forme. Pour l'esprit de l'autre, pour créer une vibration. Ma petite fille, elle est trop petite. Fait qu'elle dit ça, vous pointez, ils ont pas peur. Elle me doit avoir une bague. Il dit, ça t'empêche pas d'apprécier le tableau, mais ça te fait faire ce que ça va faire. Parce que quand t'es conscient, t'as posé une forme d'apprécier le tableau. Tu le sais, c'est un beau tableau, si c'est plaisant. C'est un jeu de l'esprit. Il faut que ça dans l'esprit. C'est une clé importante en moi. Tu laisses un palais, tu veux en faire. Je m'envoie une exposition peinture à Salle Bonaventure une fois. J'accroche le peintre et j'ai dit, viens ici. Je vais dire, viens ici. J'ai dit, viens ici. Pas de mal. Puis, bien évidemment, je l'ai pris en dessous du bras, tu sais, cavalièrement en dessous du bras. Puis, là, je suis arrivé à un tableau, j'ai dit ça, c'est votre plus beau tableau. Puis, j'ai tout parlé de son tableau. J'ai révélé des affaires dans son tableau qu'il avait quand même vu, le gars, parce que les mains, ils ne voyaient pas si fort. Ils sentent, mais ils ne voyaient pas. Il était absolument fasciné, le gars. Il était content. J'ai parlé pendant une demi-heure de temps. Il était absolument content de la vie. Comme ça, je suis parti. J'ai dû faire l'opposé. Il allait voir de la part. Parce qu'éventuellement, tu vis dans la vie, tu sais, on vit en vie, on vit pas un sur une île. Tu rencontres du monde, puis ce qui arrive, c'est ça, qui est très intéressant, c'est que quand tu es dans la loi d'impression, quand tu es conscient, automatiquement, la vie devient bien fun, parce que le monde, c'est toutes des marionnettes. Fait que tu fais ce que tu veux, et respecte tout le temps, parce que tu es conscient, mais tu fais tout ce que tu veux, parce que les gens sont pas capables de comprendre ce que tu fais. Fait que toi, tu t'amuses. Mais comme tu t'amuses avec un aspect, eux autres, ils s'amusent avec toi. Tu veux faire plaisir, puis ils ne savent pas comment est-ce que tu veux faire plaisir, pourquoi, quelle est la dimension du plaisir. Fait que ça te fait un échange. C'est ça. C'est un autre mot, ça, que j'en crois pas aux manipulations, parce que ça fait flipper tout le monde. Ouais, la manipulation, c'est une manipulation. C'est ça. Bernard, quand tu dis que cette fois, cette pression-là, c'est la base de la psychologie, c'est tellement vrai que les gens qui deviennent conscients, moi je dis souvent à des gens, la psychologie, ça n'appartient pas aux psychologues. La psychologie supplémentaire, ça appartient aux gens qui comprennent cette loi-là. Mais quand je dis ça, parce que moi je suis psychologue, il y a du monde qui m'ont dit bon, ça y est, on va commencer à faire la psychologie pour entrer en contact avec le monde, parce que le psychologue, c'est celui qui fait le job, c'est d'être en contact avec le monde. Alors qu'il ne faut pas être psychologue pour entrer en contact avec le monde, parce que si tu es psychologue supplémentaire, c'est là où c'est important d'être psychologue supplémentaire. Mais pas avoir les connaissances nécessaires nécessairement de la psychologie intellectuelle. Tu sais, il y a des gens qui essayent de faire comme toi quand ils sont bons dans les choses. Ils prennent la forme. Par exemple, mettons Bernard, toi tu perds, OK? Bon, moi je commence à te comprendre. Bon, ça y est, tu vas commencer à avoir le goût de parler. Bon, si moi je perds, je suis psychologue, il y a du monde qui va vouloir, qui avait ça, être psychologue, tu vas être capable de parler. Tu penses dans la forme du psychologue. Mais psychologue, c'est une forme. Être psychologue dans le cas supplémentaire, il fallait que tu penses d'être capable d'utiliser les voies de la médication. Parce que le psychologue, c'est un peu plus capable. Mais aujourd'hui, parce qu'il n'est pas conscient, bon, le psychologue, pour lui, il n'a pas révélé les consciences. Il joue, il manipule tout le monde, il gagne de l'argent en fouillant des clés pour faire du monde. Et tout le monde, c'est le faire. Bon, mais le psychologue supplémentaire, il faut qu'il devienne conscient pour ne plus jouer dans les clés, mais jouer avec la loi d'impression. C'est-à-dire qu'il sache qu'est-ce qu'il fait quand il fait, peu importe qu'il soit dans la forme mécanicien, cultivateur ou garagiste ou constructeur de neuf. Tu comprends ça? Pas tout. Pas tout. Je comprends ce que tu veux dire, mais ta pensée n'est pas assez précise. Tu ne dis rien. Tu parles autour de ce que tu oses que tu veux dire. J'attends que tu me dises ce que tu veux. Pour moi, la psychologie, ça vient de l'art, ça vient pas d'une éducation nécessairement qu'on a appris à l'école. Parce que si j'étais psychologue, j'aurais le droit de traiter mes schizophrénies. J'aurais le droit de traiter toutes sortes de monde dans un bureau. J'aurais pas besoin de le faire d'une autre façon. Mais comme je suis pas psychologue, j'ai pas le droit. Elle peut faire des choses que moi, je peux pas faire. Je peux pas dire que c'est pas bon. C'est essentiel. C'est essentiel. Non, parce que d'abord, je sais ce que je veux dire. Tu sais, quand quelqu'un commence à être conscient, là, bon, il parle de tout ça, n'importe où, n'importe quand. Tu sais, il va parler de son bureau, il va parler de ça n'importe où, il va parler de ça n'importe quand. Son papier, ça fait que s'il arrive dans ça, tu vas se faire fermer la gueule, ou bien là, on fait un autre job, ou bien non, je sais pas quoi, il y a eu des affaires, ou on a une vivante dans les têtes, tu sais. Bon. Alors, nous autres, c'est comme si on est, on a quelque chose comme essentiellement missionnaire. Le psychologue, ça dépend de missionnaire. Quand on ne peut pas être missionnaire, dans l'église, comme s'il y avait un temps où tout le monde voulait être missionnaire. Bon, ben là, puis dans un temps où tout le monde voulait être psychologue. Tu sais, parce que la psychologie, ça marche. Tout le monde avait besoin d'être psychologue. Bon, je fais ta tête. Il y avait la maladie mentale. Puis là, il voulait être correct. Bon, il y a comme un autre niveau, là, que je dirais qui est plus de la spiritualité, mais qui s'appelle maintenant la psychologie. OK? Il y a bien des livres écrits là-dessus. Tout le monde parle de ça. Et quand tu parles de supplémentaire, c'est bien fun parce que c'est comme une autre ligne dans ça. Où je pourrais encore utiliser le supplémentaire à l'intérieur de la psychologie ou à l'intérieur de mon missionnariat quelque part. Dans toutes ces trois formes-là, dans ces deux petites plateaux que je dirais du supplémentaire, c'est encore très, très imparfait. Tu comprends? Alors, ce qui est difficile, c'est d'être juste là où on est, dans le job qu'on est. Mais tu peux être supplémentaire là où est-ce que t'es, puis créer le contexte là où est-ce que t'es avec d'autres personnes. Puis quand t'es dénué d'émotions, ça n'a plus d'importance que ce soit parce que t'es psychologue, que ce soit parce que t'es garagiste, que ce soit parce que t'es missionnaire, que ce soit parce que t'es névrologue. Parce que tu es fidèle à ta vibration. Parce que c'est pas parce que c'est populaire que c'est bon. C'est bon si c'est convenu avec la vibration. Tu comprends? Il y a personne dans la relation d'aide, là. C'est ça notre problème. On est tous en relation d'aide. Tout le monde est en relation d'aide. Il y a des personnes qui ont la profession d'être en relation d'aide. C'est encore trop là pour eux autres. Parce qu'ils sont c'est leur profession d'être en relation d'aide. Ils sont obligés de travailler contre cette vibration-là en même temps que pour, contre celle de la frère, en même temps que pour connaître les vibrations au plan mental. Tu comprends-tu? Alors, quand il y a des gens qui disent, moi, j'aimerais ça, un psychologue, j'aimerais bien ça, je pense que je vais psychologie. Bon, alors, si on comprend la situation, je ne sais pas la psychologie, ni d'être thérapeute, je ne sais pas d'être thérapeute de tout le monde. Même parmi nous autres, c'est, oh, moi, je sais ça, puis moi, je vois ça. Ça donne, on commence à avoir clair dans le monde. On imagine la psychologie qui est la plus proche de cette voyance-là, le meilleur du monde. C'est difficile pour les gens dans ce niveau-là. Par exemple, il y a des gens, oui, il y a des gens qui vont se mettre à dire, ben moi je suis thérapeute, il y en a assez de cochonneries parmi les thérapeutes qui sont possibles. Les gens qui n'ont pas de diplôme, qui font la thérapie, en fait, je pense par exemple, avec une compteur qui s'arrache au canton, tu sais, qui se fourrent la tête d'un petit monde, c'est pas possible, parce qu'ils ont une belle question, mais pas qu'elle tient à votre place. Tout ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas important les psychologues, ce n'est pas important bien. Ce n'est pas important de se faire au sérieux, c'est de jouer avec les lois du chiffre. C'est ça. Si quelqu'un arrive à prendre la parole, tu parles, mais du plancher où est-ce qu'il est. Pas d'un plancher qui a été reconnu comme tel. Parce que moi, j'entends beaucoup de monde qui disent, moi, dans deux ans, je vais donner des conférences. Vous avez besoin de donner des conférences. Je ne sais pas, moi, si je vais donner des conférences. Mais la conférence, c'est peut-être une conférence un à un à travailler le moteur de photo. C'est juste ça. La libération de la parole, elle pousse le monde, tu comprends? Personne qui commence à parler, ils ont envie de parler. Mais il faut savoir qu'on dit à ton père. C'est à qui qu'on dit? Comment qu'on dit? Il faut avoir la compétence de dire pour cette quitte. Faut être conscient. Faut savoir qu'on sait. Le problème, c'est quand on commence à savoir qu'on pense qu'on sait et qu'on ne sait pas encore. Faut savoir qu'on sait. Penser qu'on sait, c'est passé. Faut savoir qu'on sait. Faut en arriver à savoir suffisamment qu'on sait. Faut en arriver. Moi, je suis peut-être le meilleur juge de ça avec vous autres. Quand vous me parlez, vous autres, là, puis vous savez, je le sais que vous savez. Tu sais, comme on avait parlé de tout ça, je n'ai pas compris. Quand je sais que vous savez, à ce moment-là, moi, je ne peux pas vous dire, moi, je ne peux pas vous donner une plateforme illusoire et dire, bon, ben, Hélène, va donc, pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça? Parce que ça viendra donner des conseils au monde. Mais si je sais que quelqu'un est capable de faire ça ou que quelqu'un est capable de faire ça, je vais dire, pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça? Parce que je sais déjà qu'il est capable de faire ça. Fait qu'à ce moment-là, la personne est prête à rentrer dans sa libération. Il faut que la personne soit dans sa libération. Sans ça, ça me ferait donner un faux espoir. Il faut que tu saches par toi-même. Quand tu sais par toi-même. Quand tu sais ce que tu sais, toi-même, je ne peux même pas te le dire. Parce que c'est souffrant de le dire, parce que tu as toute la revanche de la libération. C'est là que tu rentres dans la libération. Oui. Tu auras la dépression. Mais tu as tout le ruban aussi de l'émotion de l'autre qui ne comprend pas. Justement, à cause de la loi d'impression. Oui, c'est ça. La loi d'impression te force dans des conditions de fermer ta gueule. Comme à toi, dans des conditions de faire quelque chose. La loi d'impression, c'est les deux bords. Moi, je sais une chose, que plus on avance à la conscience universelle, je déteste ces mots-là. Moi, je l'ai rendu, je déteste plus. Qui on devient conscient, je déteste même ça. Qui on devient intelligent, qui on devient volontaire, qui on devient donné. Là, quand tu es anonyme, si tu travailles comme psychologue, tu travailles d'une structure, légalement, tu es correct. Mais quand tu es anonyme, tes mots percent la toile de l'autre personne. C'est là que tu les amènes à sortir de l'ultra. La personne n'a pas besoin de savoir si tu es supplémentaire ou si tu n'es pas supplémentaire ou si tu as un niveau de conscience supérieur. Tout ce que la personne a besoin de savoir, c'est que quand tu y parles, ça clique. Fait que si tu rencontres une personne et ça clique, alors ouais, l'autre personne va dire hey, elle, ça clique. Elle, ça clique. C'est comme ça que tu te fais une clientèle qui te permet de vivre et qui te permet de te faire sortir les gens de leur boîte. À ce moment-là, tu travailles, tu crées. Tu fais ce que tu dois faire. C'est ta vibration. Les gens n'ont pas besoin de savoir, t'es supplémentaire. Ce qu'ils n'ont rien à savoir, c'est ce que tu as dit. Là, tu mets tout ça fait ton travail. C'est ce serait-tu que, dans le nouveau jardin, j'ai quelque chose qui m'est venu par rapport à ce que tu as dit. Ce serait-tu quand même que le psychologue, on parle de manipulation tantôt, qu'à ce niveau-là, elle va cesser de manipuler au niveau des émotions et qu'elle va manipuler avec la manipulation qu'on parlait tantôt de la voix de l'impression. C'est que je veux dire qu'au niveau du mental, ça va se situer au niveau du mental, mais au niveau des émotions. Ça veut dire manipuler, mais manipuler les émotions des autres avec, en dehors de mon émotion. Quand on se contrôle pas, pour moi, là, ce qu'elle dit, là, je suis vraiment satisfait de ça, c'est bien correct. De toute façon, manipuler, c'est le fait. Mais manipuler avec la voix de pression, c'est savoir l'émotion de l'autre, c'est la manipuler dans le sens de la découverte de lui-même. Mais en dehors, moi, je me laisse plus. Si moi, je suis pas mentale, là, je ne dois plus me laisser manipuler par ma propre émotion en moi. C'est un peu comme tu ne dors plus de même moi. Un oiseau qui est tué. C'est d'être capable de créer des chocs vibratoires pour déplacer, faire en sorte que les émotions ne sont plus désajustées ou négatives par rapport au cheminement de la personne. La seule chose que tu as appris aux personnes, c'est quoi toi? Ouais. Pour être capable de. Souvent, moi, je peux voir une personne qui est au niveau d'émotions 5, capable d'être à 6, c'est-à-dire que j'en suis sorti. Donc, je pense qu'il y a une faible. Je peux défaire mes émotions. Je vais être capable de descendre au niveau 5, je peux en faire un petit peu numéro 10. Et si je donne du 10, je le perds. Pour ça, il faut que je connaisse toutes les lois là-dedans. Tout, tu t'ajustes au niveau de l'avant avec d'autres personnes. Tu sais que ça. Toujours au niveau de l'avant avec d'autres personnes. Tu sais ça, tu sais. Vraiment, tu le sais. Mais si tu disais à des psychologues en conférence, si tu commençais à parler de la psychologie supramentale, tu créerais automatiquement des blocages. Il ne faut jamais que les gens savent que tu fonctionnes dans ce cadre de conférence. Parce que quand on dit, quand on emploie le terme supramental, tu te prends pour toi. On catégorise un autre niveau d'intelligence pour la séparer de l'autre, pour expliquer qu'elle ne fonctionne pas de la même façon que l'autre. Mais quand tu travailles en psychologie, tu rencontres des psychologues, si tu leur parles de la psychologie expérimentale, tu vas les aliéner parce qu'eux autres vont se sentir automatiquement. Oui. Menacés. Automatiquement, ils vont se sentir menacés. Là, ils se forment une sorte de séparation. Il ne faut pas qu'il y ait une séparation. C'est ça que je dis, il faut être anonyme. Je voulais revenir un petit peu sur l'affaire de l'arbre. En relation avec la loi des impressions. L'arbre ne cherche pas à donner à l'ego. L'intelligence. La vibration en dedans qu'on ressent quand on grandit en conscience ne cherche pas à donner à l'ego l'intelligence. Parce que cette vibration-là est une vibration qui est totalement neutre. C'est qu'un feu qui allume les centres de l'énergie. Mais quand la libération elle passe par le mental ou elle passe par le centre émotionnel, elle crée une réaction. Si elle est forte. Quand elle passe dans le mental, elle crée une réaction. Quand elle passe dans l'émotionnel, elle crée une réaction. Quand elle passe dans le mental, la réaction qu'elle crée, c'est le doute. Parce qu'elle fait vibrer la mémoire de l'ego. Il faut que l'ego se check. Il détruise le doute. Autrement dit, qu'il détruise la mémoire. Qui est à la source du doute. Si elle passe dans l'émotionnel, elle crée un choc émotionnel, elle fait souffrir l'ego émotivement et elle empêche l'ego de se nourrir de son énergie. De sorte que vous allez vous apercevoir dans la vie que si vous souffrez trop, vous allez perdre la capacité créative. Tu ne peux pas être créatif et souffrir au niveau du plexus solaire. Ça va te mettre, vous autres, vous avez ça, mettre la batterie à la tête. Quand tu souffres, c'est trop, là. T'es pas capable. Y'en a-tu qui comprennent ce que je veux dire? La batterie à ta tête. Dans ce temps-là, c'est pour ça qu'avec le temps, t'en arrives à développer la volonté pour tuer, pour empêcher cette vibration-là de descendre dans le plexus solaire. Exemple. Supposons que chaque fois qu'un créancier qui vient chez vous, tu es ici, tu souffres. Le téléphone sonne, t'as une tension. Le bel téléphone va t'appeler, va dire, madame, vous me donnez 50 heures de téléphone, tu souffres. Puis là, toutes tes petites dettes toutes les créanciers qui t'appellent, tes petites dettes. À un certain moment, pour tuer la vibration ici, qui t'empêche d'être créatif, qui te met à mettre en terre, il faut que tu tues la vibration. Puis avec une façon de tuer la vibration, c'est de trouver un moyen d'épayer tes dettes. À quelque prix que ce soit. Même au prix d'aller dans une vacance. Même au prix d'aller t'acheter un chapeau. Paye tes dettes. Quand tu vas avoir payé tes dettes, la vibration ici, t'en vas cesser. Tu vas refonctionner dans le mental, tu vas être bien. Si les gens fonctionnent avec ça, les gens ne souffriraient jamais. Mais aussitôt que la vibration de l'âme descend ici, les gens souffrent. Les gens perdent leur gratitude. Puis la raison pour laquelle les gens ne sont pas créatifs. Là, je parle pour vous, là-bas, la blonde. Là, vous. Ce qui bloque, ce qui a arrêté cette fermentation-là, ça a été ça ici. Là, ça commence un petit peu à se dégager, là. Fait que là, ça commence à marcher, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Puis ça, c'est universel pour tout le monde. Si vous avez des tensions ici, organisez-vous, checkez que c'est qui vous fait vibrer. La moindre chose qui vous fait vibrer ici, ça va couper votre énergie créative. Le mental supérieur ne peut pas fonctionner quand ici, ça brûle. L'angoisse. À quelque niveau que ce soit. Fait que vous deviez être capable, avec ce que vous savez, de checker toute votre patente, là, puis de mettre la hache dedans. Puis automatiquement, vous allez revenir dans l'énergie ici. Vous allez fonctionner. Pour mettre la hache dedans, si tu juste intérieurement, il faut faire une action, faut soit l'action pour faire, soit on, comme payer les dettes. Okay. La question est intéressante et est bonne. Tu ne peux pas mettre la hache dedans tant que tu n'as pas assez souffert. Puis je vais vous dire pourquoi. Tu peux avoir la meilleure intention au monde. Tu peux voir le problème. Mais il faut qu'il arrive une crise. Il faut qu'il arrive une situation. Il faut que ça pète. Il faut que tu sois capable d'en prendre. Là, tu m'as acheté. Le temps que tu souffres, on dirait que tu ramasses l'énergie. Tu ramasses l'énergie pour le faire. Exactement. Ça marche? Tu mets la hache dedans quand tu fais une crise. Quand tu fais une décision. Tu peux pas fonctionner dans la vie si tu prends pas toutes les décisions. C'est très important l'angoisse. C'est important parce que c'est ça qui crée la volonté. C'est ça. Exactement. L'angoisse crée la volonté. Tu vois qu'en psychologie, ça ne tient pas. Hein. La psychologie mécaniste, là, ça ne tient pas, ce concept-là. Parce que dans la psychologie mécaniste, l'angoisse détruit la volonté. Tu mets à tes dépressions. Dans la psychologie du supramental, l'angoisse crée la volonté. Tu vois comment c'est plutôt bas, c'est l'affaire de la séparation. C'est pour ça que si jamais tu expliques des idées à un psychologue, t'es mieux d'être bien complète dans ce que tu expliques, parce que ça clique pas. Mais tant que le monde, là, pour découvrir la différence, le discernement, pour découvrir la différence entre l'angoisse qui est interne, que moi, en tout cas, au monde, pour manquer de la lumière en dedans. Puis la peur. La peur, ça, c'est toujours efficient. Peur, il dit peur trop vite. Peur de manquer, d'avoir la peur de faire la fesse. Peur de faire la fesse, n'importe quel niveau. C'est soit toujours la peur de faire la fesse, c'est nous. Peur de crier dans l'ascenseur, peur de faire une tour, peur de faire une peur de pas continuer. La peur, ça joue contre les autres. Vous savez que vous tapez sur la peur. Mais l'angoisse, il faut pas que vous fassiez walkie-talkie d'angoisse parce que c'est la source qui va nous faire prendre une décision quelconque. Il faut être capable de pas d'être intelligent dans l'angoisse. La peur paralyse l'intelligence. L'angoisse, c'est la volonté. Elle fait vibrer l'intelligence, elle active la volonté. Que tu vois ça avec quelque chose, là, tu prends une décision. Au lieu de prendre une pilule, tu prends une décision. C'est ça. Le jeu de. Ok, je vais mettre un point ici, là. Tu dis, au lieu de prendre une pilule, tu prends une décision. Les gens, ça, c'est bien, c'est ça qui est bien mauvais. C'est que les gens, là, quand les gens sont dans l'angoisse, au lieu d'attendre qu'elle fait. Puis là, là, qu'il voit éclair, là, puis qu'il prend la décision, il prend une pilule. Fait que là, il change le site de l'angoisse. Il la renvoie à rien, puis ensuite, elle commence à encore. Il prend une pilule, il la renvoie à rien, puis elle commence à encore. C'est ça que les gens. Ouais. Puis alors, ensuite, il y a l'angoisse de la pilule, si tu veux dire. L'angoisse, puis l'angoisse, puis ainsi de suite. Il est bien important, ce point. Mais... l'angoisse, on doit l'utiliser. On doit l'utiliser. Moi, je pense que même si la personne coupe son angoisse avec la pilule, elle n'aime pas. Elle n'aime pas. À un moment donné, elle devient angoissée sur la pilule. Puis là, il faut très pallier la décision de prendre la pilule. Ah, c'est de s'habituer. C'est juste de reporter. C'est ça, c'est reporter. L'angoisse doit servir. Si tu es intelligent, si tu sers ton walkie-talkie, comme elle dit, elle dit. Tu as toujours la connexion avec en dedans, l'angoisse est là. Éventuellement, la pression est tellement grande que là, tu prends la décision. Bah, tu mets l'angoisse à terre, tu changes ton niveau de bloc. Il n'y a pas d'autre personne qui vient de s'entrer. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas. Tu ne fais pas de mise en entrée sans être angoissé. Très possible. Mais si tu as développé un peu de volonté, tu vois venir, ben au début, tu vois venir l'angoisse, puis tu prends la décision avant que l'angoisse devienne trop vite, ben tu la pètes dans le bas. Pas l'angoisse. L'angoisse. Le concept allemand, angst. L'angoisse profonde sur laquelle tu n'as aucun pouvoir. Pas les situations psychologiques de vie. L'angoisse profonde, c'est vibratoire. Il attient cette vibration-là tant que toi, tu n'appelles pas. Moi, je l'ai vécu, l'angoisse. Je l'ai pété dans mon automobile. J'étais avec ma femme. Puis quand elle est sortie, moi, là, je l'ai pété en criant. Je l'ai pas un petit mot. Il m'a sorti une boule, là, c'était gros comme un boulet de canon. Puis elle a sorti, là, je l'ai senti. Elle a fait sortir. L'angoisse, c'est réel, c'est physique. Dans la souffrance de fusion, elle est devenue la boule, ça y est. Puis elle a sorti, c'était comme un boulet de canon. L'angoisse, mon cher. Même si quand je parle de l'angoisse, là, je parle de l'angoisse de l'âme. C'est le pouvoir de l'âme sur l'ego. Quand je parle de l'angoisse, je parle du pouvoir de l'âme sur l'ego. Ça se rapporte avec des situations de vie, telle dette à rencontrer, telle ci, c'est ça? C'est lié avec des situations de vie, puis c'est toujours lié à des situations de vie qui ne sont pas résolvables tout de suite. Tu n'es pas capable de le résoudre tout de suite. Tu vas regarder à gauche, à droite, il n'y a pas de réponse. Tu es pas avec une femme, tu ne l'aimes pas, tu manges le dos, tu n'es pas capable, tu ne peux pas t'imaginer comment en sortir parce que les enfants, maman, l'angoisse. Tu n'es pas avec une dette, hein? tu fais 2 pièces de l'heure, il faudrait que tu fasses 20 pièces de l'heure, tu n'es pas capable. Tu ne sais pas, tout à l'heure, tu vas avoir une auto-guinness. Elle sait, mais toi, tu ne sais pas, parce que tu es dans l'angoisse. Comment tu dis? C'est une vibration de l'âme sur l'ego. Ça, c'est la tension du vibratoire. C'est ça. Exactement. C'est toujours en relation avec une affaire physique. C'est toujours en relation avec une forme quelconque. Mais ça vient pas de là. Ça vient pas de là. Ça, c'est bien dur à voir la subtilité de là. Exactement. Exactement. Puis ils l'ont vraiment compris. Parce que eux sont toujours demeurés au niveau de la forme. Alors, ils ont développé l'existentialisme de la forme, puis ils sont arrivés éventuellement à l'absurdité, puis il n'y a rien d'absurde dans la vie. Tout est très intelligemment organisé. Celui qui est absurde, c'est là. Un coup que tu le sais, c'est là que tu commences à sortir de ton trou. C'est là, c'est ça la conscience. Sais-tu qu'est-ce que c'est la conscience? La conscience, c'est de l'intelligence créative. Pas plus, pas moins. J'en parlerai pas un jour de conscience parce qu'il commence à me fatiguer ce mot-là. Parce que ça sent encore trop la conscience, spiritualité, pas mal. La conscience, c'est de l'intelligence créative et de la volonté. C'est ça, la conscience. Dans la conscience, il n'y a pas d'amour. L'intelligence, c'est la lutte contre le temps des esprits. L'intelligence, c'est la lutte contre le temps des esprits. Puis, juste que ceci, le temps des esprits, c'est le temps stable. Oui, c'est le temps stable. Dans l'homme, c'est le temps stable, c'est les mots de bonnes intentions. Il y a assez de monde qui ont des bonnes intentions, il y a des bonnes intentions, des bonnes idées. Puis l'intelligence, c'est la capacité de sortir les bonnes intentions du plan astral et de les matérialiser sur le plan concret. À partir du moment où il y a une bonne intention qui est restée éthique, là, puis qui est restée là, là, ça n'a pas servi à personne si c'est une bonne intention. Mais quand j'ai une intention que je suis capable de matérialiser complètement dans l'immédiat, là, que je l'ai devant l'intention, là, il n'y a plus de force de discours. Tu sais, quand on prend tout les esprits, là, les esprits, les égaux, genre, les égaux, genre, les esprits qui me pénètrent dans la tête, qui jouent avec moi, là. Moi, dans l'homme, là, le plan des esprits, dans l'homme, là, ce sont ses bonnes intentions. Ou bien non, c'est mauvais. Mais pour les gens spirituels, c'est des petites de bonnes intentions. C'est bien subtil ce que tu dis, c'est. Parce que c'est exactement ceci. Les bonnes intentions viennent du plan de l'esprit, des esprits. Ah, mais il est bien ça. Tout ce qui est lié à la bonne volonté dans l'homme, ça vient du camp des esprits. C'est pour ça que moi, il y a quelqu'un qui ne connaît pas, il dit ça, vraiment, qu'est-ce que c'est ce que l'homme? Comprends-tu? Parce que tout ce que l'homme considère bonnes intentions, bonne volonté, je m'arrache dedans. Parce que tout ce qui compte pour moi, c'est l'intelligence. L'intelligence. Ça, c'est bien. J'en reviens sur ça parce que c'est bien important. Je n'ai jamais dit de même que les bonnes intentions viennent du camp des esprits. Ceux qui comprennent ça, là, c'est une clé fantastique. C'est parasite. C'est parasite. C'est clairement comment ça empêche le développement de l'intelligence. Pas ça. Ouais. Ça empêche ça. Ça paralyse l'homme. Ça l'empêche de produire sur le plan matériel concret. Non, oui, c'est ça. Ça empêche d'avoir fait de l'intelligence. Donc, ça dépend de la définition qu'on donne de bonnes intentions. Si c'est une bonne intention, dans le sens. Quelle que soit la définition que tu y donnes. Quelle que soit. Moi, je n'ai. Moi, ça n'existe même pas avec des bonnes intentions. J'en ai pas les bonnes intentions. Non, mais bien vivre, c'est une bonne intention. Non, ça. Bien vivre, c'est une façon de vivre intelligent. C'est différent. Ah, car il y a un mot. Tu fumes, t'as pas la bonne intention d'arrêter de fumer. C'est ça. Ça, c'est subtil. Je vais en parler, je vais faire le casse-tête. Les bonnes intentions. C'est pour ça, je vais vous dire une chose. C'est pour ça que c'est bien important qu'on parle. Parce que c'est un qu'en parlant qu'on apprend. On ne peut pas apprendre sans parler. Les bonnes intentions, là. Il garde les relations émotives avec les gens. Hey, je suis allé à la banque, toi, je suis allé à la banque. J'étais après lui. Le gérant de la banque, il dit de une belle place. La loi des prêts. J'ai dit après vous? Dit, non, avec toi. Ce que j'ai fait, j'ai la ligne, puis j'allais m'en acheter. C'est sûr la vraie raison. Fait que j'ai fait un lien avec mon grand-mère. Fait que tu comprends que si je vais en vendre et envoyer de l'argent, t'es mal à l'aise. C'est ça, t'es pas de ça. Si t'es inconscient, j'aurais pas besoin de ça. Mais ça, pas conscient, t'es tout juste de servir la vraie raison. Et la vie, on a fait. Non, déjà. C'est beau, mais tu te manges. Hé, on va te faire mais vite. Comment? On pense, on a des intentions. Oui, des goûts, on est pas des intentions. Quand tu penses que des bonnes intentions, des bonnes et des mauvaises intentions, tu es en train d'exercer. Ça fait partie de ton expérience. Ok, je vais partir sur ça. À maintenant, si quand tu rentres dans la conscience, pas seulement. Quand, ok, là je vais diviser la conscience. Il y a trois étapes à la conscience. La première étape à la conscience, c'est la conscience spirituelle. La deuxième étape à la conscience, c'est la conscience psychologique. La troisième étape à la conscience, c'est la conscience fluide. Au niveau de la conscience spirituelle, il n'y a pas tellement d'anxiété. Il y a un bon feeling. Au niveau de la conscience psychologique, l'anxiété commence. L'anxiété, au niveau de la conscience psychologique, est dure jusqu'à temps que la conscience psychologique est totalement détruite. Quand la conscience psychologique est détruite, tu vas là, vous rentrez dans la conscience pure. Et pour rentrer dans la conscience pure, il faut que la conscience psychologique soit détruite, parce que pour rentrer dans la conscience pure, il faut que l'ego soit totalement neutralisé dans ses intentions personnelles. Dans la conscience pure, l'ego ne peut pas avoir d'intention personnelle. L'ego peut être créatif. Il n'y a pas d'intention personnelle. Dans ce sens que, dans la conscience pure, l'ego est totalement uni vibratoirement à l'énergie de l'âme et il est capable d'absorber toutes les intuitions possibles. C'est ça ce qu'il y a à faire. De l'intelligence universelle. Oui. Oui. Mais... L'anxiété qui est la souffrance vibratoire de l'âme sur l'ego, provenant du fait que l'ego ne peut pas faire ce qu'il veut, autrement dit, provenant du fait que l'ego a une certaine souffrance à vivre, ça fait partie de la conscience psychologique. C'est seulement quand ça s'est élevé, où il n'y a plus d'anxiété, que l'ego rentre dans la conscience pure. Une fois qu'il est dans la conscience pure, l'ego ne s'appartient plus. Parce que l'ego n'a plus le droit à la vie matérielle. Lorsque l'ego n'a plus le droit à la vie matérielle, l'ego peut être dans la vie matérielle, mais n'a plus le droit à la vie matérielle. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus d'énergie émotive dans l'ego qui le rattache à quelque forme que ce soit. De sorte que si l'ego avait, pour une raison ou une autre, à changer de plan, ce qui constituerait un dégagement total d'essayer avec la forme, il le ferait sans aucune anxiété quelconque. Alors, les gens vont vivre une anxiété quelconque dans la conscience pure, dans la conscience, jusqu'au jour où ils vont entrer dans la conscience pure. Mais l'anxiété peut être différente pour tout le monde. Alors, de sorte qu'il y a des gens qui peuvent vivre un niveau d'anxiété suffisamment restreint pour ne pas pouvoir être parfaitement heureux. Parce que c'est seulement dans la conscience pure qu'on est parfaitement heureux. Ce qui implique le contact avec les mondes parallèles. Dans la matière, on ne peut pas être parfaitement heureux parce que la matière nous limite, parce que les vibrations de la matière sont trop basses, parce que nos contacts avec les hommes sont trop limités. Alors, il y a toujours une anxiété quelconque. Mais on peut être suffisamment bien dans notre peau pour être humainement heureux. Mais il y aura toujours une petite anxiété quelque part jusqu'à temps que vous passez dans la conscience. Une fois que vous êtes dans la conscience plus, il n'y a plus d'anxiété partout. Parce que pour se protéger de l'anxiété, il faut que l'homme ait le contrôle sur la matière. Si l'homme n'a pas le contrôle sur la matière, si l'homme n'a pas le contrôle sur les événements mécanismes de la vie, il ne peut pas se protéger parfaitement. Alors, il y a toujours une petite anxiété. Le gars dans l'appartement à côté, il joue du rock and roll à 3h du matin, tu viens avoir une anxiété. Parce que la conscience pue, la conscience, plus qu'elle grandit, plus qu'elle est vraiment sensible. Ce qui vous faisait souffrir avant, ce qui ne vous faisait pas souffrir avant, maintenant, ça vous fait souffrir. Ce que vous ne pouvez pas souffrir aujourd'hui, dans 2 ans, vous souffrirez. Ce que vous ne souffrirez pas dans 2 ans, dans 4 ans, vous souffrirez. De sorte qu'éventuellement, vous vivez constamment à l'aguet de la souffrance. Puis c'est là que vous développez l'intelligence et la volonté, et que vous tuez, tout ce qui vous fait souffrir, vous éliminez. C'est pour ça qu'éventuellement, plus vous entrez dans la conscience, ou vous allez vers la conscience, plus vous êtes obligé de vous isoler complètement. Donc, avec les années, vous en venez à vous isoler, à vous créer les conditions de vie qui sont complètement sous votre contrôle psychologique, c'est ce que la conscience psychologique. Et ça suffit pour vous rendre votre existence claire. Le créatif, faites ce que vous faites, vous vivez, vous faites ce que vous voulez. Là, vous êtes en stage, les autres appellent ça un stage d'arrêt. C'est en dehors de la vie, inconscient, c'est dans un stage d'arrêt, tu ne souffres plus. Tes corps se transforment quand même, mais tu attends le reste de l'humanité. Comme on dit, tu attends le reste des hommes qui doivent passer à l'autre. Tu dois attendre de passer de l'autre bord. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas passer de l'autre bord avant que tous ceux qui doivent passer de l'autre bord soient préparés. Quand ceux qui doivent passer de l'autre bord ont été préparés, à ce moment-là, tout le monde passera de l'autre bord, instantanément. En attendant, ce qui nous tient, c'est la conscience psychologique. Et cette conscience-là se raffine de plus en plus, mais notre corps astral devient extrêmement sensible, notre corps mental devient très, très vaste. Puis, il y a un point où on ne peut plus avoir de communication avec les hommes réellement, parce que, excepté pour les nécessités de la vie. Mais les gens avec lesquels on a communiqué sont les gens qui sont sur cette longueur d'onde. Ça forme une société anonyme. Que vous soyez dans n'importe quel pays, vous les connaissez, vous les rencontrez. Puis après ça, mais là, c'est l'autre étape. La fin. La fin du commandement. Mais les hommes ne peuvent pas être réunis individuellement dans la conscience pure parce que l'énergie de la conscience pure sur la Terre, lorsqu'elle descend sur la Terre, doit être concentrée dans un point. Elle ne peut pas être divisée sur la Terre. Elle doit être concentrée dans un point. Puis quand elle est concentrée dans un point, le niveau de conscience des hommes augmente. Puis à un certain moment, quand les hommes ont cette conscience-là, cette conscience, cette énergie qui est concentrée dans un point, communique avec chacun de ces individus-là. C'est là que le passage. Alors, l'anxiété, vous pouvez vous attendre à avoir de l'anxiété plus ou moins grande. Souvent, les gens là, qui sont moindrement intelligents, c'est ça que je disais tout le temps, l'essentiel, c'est de travailler à avoir du vêtement à la maison, de revenir tout le temps à ces 4 points-là de la vie. Parce qu'une fois, que vous n'avez plus de problèmes psychologiques, que vous fonctionnez simplement matériellement. C'est subtil ce que je dis. Quand vous n'avez plus de problème psychologique, là, que vous fonctionnez immatériellement, à ce moment-là, vous pouvez faire une vie plaisante. Et si vous avez des problèmes psychologiques, il faut que ces problèmes psychologiques-là soient transmutés en conscience psychologique. Puis ensuite, là, vous pouvez vivre comme du monde. Parce que ce qui vous empêche de vivre comme du monde, c'est votre inconscience psychologique. Il faut que vous rentrez dans la conscience psychologique. Une fois que tu es dans la conscience psychologique, tu es bien parce que tu n'as plus de bébite dans la tête. Tu n'as plus de problème. Tu peux avoir des petits niveaux d'anxiété de temps en temps, mais ça, tu t'es contrôles. Tu bouilles pourquoi, tu le sais. Tu marches dedans, toi, tu marches dedans. Puis éventuellement, tu marches dans toute la gang. Là, tu as la tête. Parce que ce qui détermine notre relation avec la matière, c'est tout notre niveau de conscience. Plus notre niveau de conscience change, plus notre relation avec la matière change. Donc éventuellement, quand le niveau de conscience est suffisamment élevé, pour libérer l'esprit dans l'ego, là, vous êtes libre à ce moment-là de changer de plan, quitte à revenir en matière. Mais à explorer les dimensions des univers parallèles qui suffisent à vous informer, à vous instruire dans la construction des mondes futurs, des mondes qui sont invisibles à l'œil de l'homme. Ça peut supporter pendant des années de temps. Tu peux vivre là-dedans pendant des centaines d'années. Jusqu'à temps que tu passes complètement à l'autre. Et l'anxiété, il y en aura toujours un petit peu. Il y a toujours une petite quelque chose. Mais c'est pas nécessairement grave. Mais ça dépend.